Bienvenue dans l'autre monde, François Marginal au micro. Nous sommes à l'édition du 5 juin 2008. Et oui, le temps avance et nous sommes au début de l'été. Alors, bon été, chers amis. L'été s'en vient très rapidement, mais je vous le souhaite en avance. Je serai le premier à vous souhaiter bon été cette année. Alors, bien content de vous avoir encore. Et nous sommes évidemment, comme je disais, dans le mois de juin. Et puis, c'est aussi la saison été ici sur Choc FM. Donc, vous avez la programmation d'été qui va durer jusqu'à l'automne prochain. Alors, nous serons ici tout l'été avec vous pour vous mettre au courant des nouvelles les plus importantes, les nouvelles qui ne sont pas rapportées par les médias de masse ou distorsionnées ou carrément laissées dans le silence. Hein? Donc, on essaie de façonner votre opinion et puis votre vision du monde, mais ici à l'autre monde, nous ne faisons pas de quartier puis nous amenons les informations le plus crues possible, mais aussi avec quelques petites annotations, question de se faire un peu de fun à travers de tout ça. Alors, écoutez, cette semaine, faute d'avoir trop de temps, évidemment, je suis encore pris dans une heure, chers auditeurs, quand je vais revenir à Montréal. Je vais vous promettre une émission d'une heure et demie, mais jusqu'à là, écoutez, il faut faire un petit peu de jogging à chaque émission, donc cette semaine, on a encore une grosse émission très chargée. On va faire un peu le tour de ce qui se passe dans la situation mondiale actuelle, et puis on va parler aussi du Moyen-Orient, de Guantanamo. On va parler aussi du dossier torture, des révélations à propos de Rumsfeld du 9/11 et puis des attaques terroristes aux États-Unis. Vous allez voir, ça c'est assez choquant. On va aussi parler de différentes facettes là, de l'économie et puis un paquet d'autres affaires. Là, vous allez voir, là, restez à l'écoute pour la prochaine heure et puis vous n'allez pas perdre votre temps. Finalement, hein, vous allez apprendre des affaires que vous n'aurez pas appris en une semaine en écoutant la TV. Alright, donc c'est ça, restez à l'écoute ici de l'émission L'Autre Monde, tous les jeudis 11h, votre cyber-revue de presse, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Eh oui, François est bien crinqué. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qui est le plaisir d'animer une émission comme ça sur les ondes de Choc FM, hein? L'alternative à Montréal et dans le monde, la radio Internet officielle de l'UQAM. Ici, mes amis, on peut parler des vraies choses et puis se parler dans le blanc des yeux. All right? Alors, écoutez, avant de commencer, on a un événement assez spécial qui va se passer à Montréal. On a une conférence qui est organisée pour le 21 juin, donc ce mois-ci. Et puis, qui va être là? Écoutez, vous avez deux canons de l'information assez hallucinants. Vous avez David Ray Griffin, qui est peut-être moins bien connu ici au Québec, mais qui, sur la scène Internet aux États-Unis, puis même sur la scène mondiale, Monsieur David Ray Griffin est reconnu là comme étant une éminence là vraiment très calé dans son sujet. C'est un théologien et puis il a écrit deux livres sur le 911 qui font fureur là. Je veux dire les informations puis la façon qu'il présente l'information sont vraiment c'est très détaillé, très documenté. Et puis on peut pas ressortir d'une conférence en ayant écouté cet homme-là et puis ne pas avoir des doutes, au moins des doutes sur ce qui s'est passé. Le 11 septembre, si vous n'êtes pas déjà convaincu que c'est évidemment une inside job. Donc là, je parle aux sceptiques. Évidemment que ceux qui ont moindrement recherché ce sujet-là et puis s'être confrontés, là, et puis s'être assis là, avec les faits et puis les évidences, la façon que les affaires se sont passées, il y a trop d'affaires qui ne font aucun sens. Mais je veux dire vraiment aucun sens. C'est complètement illogique. Tu sais, des affaires comme un passeport qui passe au travers d'un avion, d'une boule de feu tellement chaud qu'il fait fondre le métal, mais qui se retrouve intact dans les rues en bas du World Trade Center, qui était retrouvé comme ça, et puis c'était le passeport de Mohamed Atta, là, tu sais, à un moment donné, il y a des affaires qui n'ont pas ben ben d'allure, et puis vous avez quelques centaines, pas loin de 300 architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 911, dont je fais partie. Officiellement, je suis maintenant sur le site et puis, écoutez, on est là, nous, comme étant des professionnels du bâtiment. Et puis, quand on regarde ces tours-là s'écrouler, surtout le World Trade Center 7 qui s'écroule dans le chemin de la plus haute résistance à la vitesse de la chute libre, OK, en 6,4 secondes environ, eh bien, il y a de quoi se poser des questions, hein? Je veux dire, le bâtiment qui s'écroule de façon totale, de façon symétrique dans ses empreintes, sans même affecter les bâtiments de l'autre côté de la rue, je veux dire, il y a de quoi se poser des questions. Mais, par contre, n'oubliez pas que les deux tours du World Trade Center se sont aussi écroulés à la vitesse de la chute libre, donc environ en 10 et 11 secondes, respectivement. Et puis, je veux dire, pour ceux qui disaient, ouais, c'est impossible qu'il y ait des explosions qui aient lieu là-dedans, ben écoutez, comment ça se fait qu'on a retrouvé environ 700 fragments d'os très petits, répartis sur les toits des bâtiments autour des World Trade Center. Je veux dire, c'est assez difficile à expliquer de savoir comment il y aurait des fragments d'os humains qui auraient pu se retrouver comme ça, pulvérisés sur les autres toits des bâtiments autour. Je veux dire, vous essayez de m'expliquer ça. Puis aussi, il va falloir que vous alliez m'expliquer comment ça se fait qu'on a retrouvé de l'acier fondu en dessous des tours comme ça après des semaines. Okay? On parle d'environ 2 mois plus tard, à l'état fondu, okay? Liquide. Quand que les explosions et puis le feu ont lieu au top des tours. Okay? Donc, il y a des questions comme ça qui demandent des réponses. Et puis, cette année, le mouvement montréalais pour la vérité sur le 11 septembre passe à l'action et puis on arrête de poser des questions. Et puis là, on passe à l'action. Je veux dire, le 911, c'est la clé qui va nous permettre de défaire toute cette clique d'élite-là, les néocons, le complexe militaro-industriel et puis, bon, les éléments là qui travaillent dans le gouvernement. Et puis, évidemment, aussi la complicité des médias là-dedans qui sont aussi possédés par les mêmes compagnies qui profitent de la guerre et puis de la déstabilisation et puis de la tension. C'est ces affaires-là qu'on va faire tomber en exposant la vérité sur le 911. Je veux dire, on va passer une nouvelle ère quand on va avoir mis en prison, quand on va avoir jugé les vrais criminels du 911, des gens qui ont aucune culpabilité pour avancer leur plan à descendre 3 000 personnes dans le cœur de New York et puis après ça s'en aller dans des expéditions impérialistes au Moyen-Orient et puis décimer, on parle de 1 million de personnes depuis 2003, 1,5 million entre 91 et puis 2003. Je veux dire, l'uranium appauvri qui est répandu à grandeur de la région, une demi-vie radioactive de 4,5 milliards d'années. Okay, qui entraîne des déformités génétiques, des dommages sur la chaîne d'ADN, qui endommagent carrément, là, je veux dire, les gènes pour les milliers, c'est pas les dizaines de milliers de générations à venir des gens qui habitent là. C'est un biocide total, finalement, je veux dire. Et puis là, on essaye de vous alarmer avec le réchauffement climatique, puis ça, il faut payer des taxes, mais je veux dire, on répand comme ça de l'uranium appauvri, OK, qui se répand en grandeur de la planète. On a l'équivalent de 400 000 bombes Nagasaki en équivalence de radioactivité dans les airs depuis qu'on a fait des tests nucléaires et puis qu'on répand ces armes, hein, qu'on utilise ces armes à uranium appauvri là au Moyen-Orient et puis en Yougoslavie. Je veux dire, on vient de condamner la planète au complet, je veux dire, dans une mutation génétique totale à cause de nos stupides guerres, puis je veux dire, des gens qui se réveillent pas, qui comprennent pas qu'à un moment donné, cette affaire-là, je veux dire, ça arrive pas comme ça, sorti du bois, je veux dire, tu peux pas demander à NORAD d'avoir un stand-down, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est à l'intérieur de la chaîne militaire des États-Unis, là, je veux dire, arrêtez, là, avec Bin Laden. De toute façon, Bin Laden, c'est une création de la CIA. Je veux dire, ça a été créé par Zbigniew Brzezinski, pour, en fait, affaiblir l'Union soviétique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé les Mujahideen en Afghanistan dans les années 80 pour attirer les Soviétiques en territoire afghan. Et puis là, ben, ils ont carrément affaibli l'armée soviétique qui a dû se retirer quelques années plus tard. Et puis ça, Zbigniew Brzezinski, ben, je veux dire, il s'en est vanté de ça. Il a dit, ben oui, c'est une bonne affaire qu'on a fait ça. Écoutez, puis Zbigniew Brzezinski, c'est qui? Ben, c'est en fait la tête, c'est l'éminente grise derrière la campagne, derrière les idées de qui? De Barack Obama. Ben oui, le héros de tellement de personnes qui se laissent encore emballer une fois de plus par les médias de masse. Donc, gros détour, mais c'est ça qui se passe, je veux dire, je pourrais en dire tellement plus. J'espère que j'essaie de, en fait, de vous stimuler. Allez, cette conférence-là, ça va être en anglais, mais... La gang, allez-y, là, je veux dire, amenez quelqu'un qui parle anglais, puis faites-vous traduire, je veux dire, c'est incontournable. Michel Chosovski va être aussi sur les lieux, le fondateur de Global Research, de mondialisation.ca. On l'a déjà ici, on l'a eu ici sur l'autre monde, Michel Chosovski. Et puis, vous avez vu que c'est tout un intellectuel, je veux dire, c'était une éminence grise ici au Canada, en fait. C'est notre homme, notre homme de l'information réelle et puis documentée. Je veux dire, si vous suivez ces deux sites Internet, vous allez avoir des informations que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Alors, cet événement-là va avoir lieu, je répète, le 21 juin prochain, et puis ça va se dérouler à 19h30 au Centre Saint-Pierre, au 1212 rue Panet, salle 100 à Montréal. Ça, c'est à 5 minutes du métro Beaudry. Le stationnement est gratuit. Les billets sont 10 $ à l'avance sur le www.mtl911truth, so truth, je l'appelle, truth.org, O-R-G. Okay? Donc, vous allez avoir de toute façon toutes les informations sur les nouvelles internationales qui est en lien sur la page de l'autre monde de Choc FM. Donc, allez voir cela. Si vous n'êtes pas capable de prendre ça en note rapidement, toutes les coordonnées sont là. Si vous présentez à la porte, ça va être 15 $, mais on vous donne un DVD gratuit. Donc, c'est pas mal de fun. Allez voir ça. Et puis, les profits vont aller vers la marche qui va être organisée à Ottawa au mois de septembre 2008 par le chapitre du 911 Truth Movement de Montréal. Et puis ça va être l'événement ne pas manquer aussi. Écoutez, là, je veux dire, soyez présents. On va aller marcher sur la colline parlementaire à Ottawa pour réclamer la vérité sur le 911. Et puis j'espère qu'on va être là en nombre dans les millions. OK? Je veux dire, c'est une des choses les plus importantes, la gang. Je veux dire, le 911, c'est ce qui va défaire. Ça va défaire le mauvais pas dans lequel on est en ce moment. Je veux dire, ça va fouetter les médias, ça va fouetter le gouvernement. On va faire le ménage de la crapule, des rats, des coquerelles qui se promènent, je veux dire, qui profitent du système, qui n'ont rien à faire de tuer de nos propres citoyens. Hein? Et puis, des médias qui n'ont rien à faire de nous mentir, de partir des gars qui vont tuer des millions de personnes dans d'autres pays, comme c'était une mission, hein? La mission canadienne en Afghanistan. Je veux dire, comme si on avait une mission à faire là-bas, ben oui, on protège les champs de poppy seed, OK, d'opium, OK? Ben oui, c'est ça qu'on fait. On protège là-bas le genre de base géostratégique des Américains pour propulser leur force militaire pour encercler la Chine et puis la Russie et puis aussi attaquer l'Iran. Donc, je veux dire, on est en train de participer à une entreprise complètement criminelle. Et puis, d'ailleurs, on a eu la Cour suprême du Canada cette semaine qui a jugé que la prison à Guantanamo était illégale. Okay? Et puis, on a participé à ça. Pareil, écoutez, comment qu'on participe à ça? On remet des prisonniers aux États-Unis. Et puis, d'ailleurs, en Afghanistan, on a repris cette pratique-là. Comme si les États-Unis ne pratiquaient plus la torture. Ben ouais, je dirais, voyons donc, la gang, la torture, je veux dire, on pratique la torture. Je veux dire, on participe à ça au Canada, on est en train de perdre notre crédibilité. notre bonne réputation parce qu'on participe à ça en remettant des prisonniers aux États-Unis puis au régime afghan qui pratique la torture. Hey, la gang, la torture, là, je veux dire, on met des gens dans des chambres froides, OK, avec l'air climatisé dans le tapis pendant 70 heures, OK? Tu ne dors pas, all right? On torture avec le waterboarding, on te crisse de l'eau dans la bouche, OK, jusqu'à temps que tu étouffes, l'eau rentre dans tes poumons, tu as l'impression de mourir, OK? On te drille des trous dans les genoux, on te met des batteries, OK, comme avec des câbles à booster, ses testicules, OK? Ça veut dire ça fait du bien en tabarnane. On te met dans des positions de stress pendant des jours de temps. Puis si tu tombes, on te fait mordre par des chiens de garde, OK? On te fait faire des pyramides, on te fait des humiliations religieuses et sexuelles, OK? On fait des affaires dégueulasses, là. Je veux dire, j'essaie de vous mettre dans l'esprit, c'est pas pour faire du sensationnalisme, là. Je veux dire, c'est pour essayer de vous connecter avec l'horreur de ce qui se passe en ce moment. Les États-Unis puis le Canada... On est en train de prouver la torture, OK? Fait que, je veux dire, ça, c'est assez horrible, là. Je veux dire, après ça, qu'est-ce qui empêche les autres pays, après, tu sais, d'arrêter des Canadiens ou, ben non, des Américains, hein? Et puis, de les foutre dans des prisons comme ça, et puis de leur faire des traitements comme ça, qu'est-ce que le pouvoir du Canada va pouvoir faire? Hein? Quel argument on va avoir de dire, « Hey, torturez pas nos Canadiens, nous, on fait pas ça, on est pour la liberté et le respect des droits humains dans le monde. » Ouais, mais écoute, vous remettez des prisonniers au régime afghan et puis aux Américains, puis on sait qu'eux autres pratiquent la torture, donc vous êtes pas mieux, vous autres là. Ouais, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux dire, le grand? Hein? Je veux dire, ça ira pas bien, là, je veux dire, si on continue dans cette démarche-là. Donc, par rapport à ça, il y a une nouvelle assez importante qui est sortie cette semaine, et puis je veux dire, ça a secoué les médias, mais je veux dire, je sais pas comment ça a sorti au Québec, mais... Ça a fait le tour d'Internet, c'est sûr que ça n'a pas été long. Je veux dire, les gens qui se préoccupent de la vérité, je veux dire, ça n'a pas passé sous silence. Il y a eu une révélation étonnante d'un rapport de 370 pages de l'inspecteur général du département de la justice américain, OK, qui est des agents du FBI, qui avait officiellement ouvert un dossier de crime de guerre documentant la torture dont ils avaient été témoins à la prison de Guantanamo Bay avant de recevoir l'ordre de l'administration de cesser d'écrire le rapport. All right? Donc, non seulement on la pratique, la torture, mais après ça, on dit à ces agents-là, parce qu'il y a quand même des agents qui sont honnêtes là-dedans, je dis, c'est pas tout corrompu, cette affaire-là. Tu as juste besoin d'avoir quelques centaines, ou même pas, là, je dis, quelques dizaines de top corrompus, là, je dis, de sales criminels, là, je dis, mafieux, tu sais, au sommet, là, du pouvoir pour contrôler toute la machine. Mais dans la machine qui est compartimentalisée, vous avez des gens qui ont vraiment bon cœur là-dedans, là. Je veux dire, vous avez un rapport de 370 pages du FBI de gens qui ont documenté des crimes de guerre de l'administration Bush, OK? Mais l'administration Bush leur a dit, fermez votre gueule! Je veux dire, écoutez, je veux dire, on est en état de guerre, hein? Je veux dire, c'est la guerre, la gang! Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe, il faut défendre les États-Unis, puis tous les moyens sont bons. Ben oui, tous les moyens sont bons, c'est certain. Fait que ces gens-là ont documenté ça, OK? Et puis, là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que les tentatives de faire cesser ces pratiques sur une base légale ou pragmatique par des individus à l'intérieur du gouvernement furent systématiquement contrées et les preuves de ces activités criminelles dissimulées. Ben oui, parce qu'on cachait, évidemment. Il n'y a pas eu de réaction immédiate de la Maison-Blanche face à ces nouvelles révélations cette semaine. Les réactions d'autres agences directement impliquées dans les crimes commis à Guantanamo ont donné une idée du sentiment général d'impunité dans lequel la torture est décrite dans le rapport de l'inspecteur général se poursuit à ce jour. Écoutez, ces gens-là sont tellement effrontés qu'il y a même le porte-parole du Pentagone, Brian Whiteman, qui a déclaré cette semaine, il n'y a rien de nouveau là-dedans. OK? Ça, c'est sa déclaration, là, je cite, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Un porte-parole du département d'État, quant à lui, a décrit les accusations contenues dans le rapport comme étant assez vagues. Assez vagues? On peut se demander qu'est-ce que ce porte-parole qualifierait d'explicite. Le rapport contient des pages et des pages de témoignages d'agents du FBI sur les pratiques sadiques et répugnantes à Guantanamo. Et selon une description de l'interrogatoire de Mohamedou Houdslahi, un Mauritanien arrêté par son propre gouvernement, remis aux forces américaines et déporté à Guantanamo en 2002. Là, il décrit le gars dépasse mon gars qui s'est fait faire. Je veux dire, je vous laisse aller lire le document. C'est en lien de ce nouvel international. Je veux dire, ça donne rien que je vous décrive ça, là. Je veux dire, moi, je perds les pédales quand je lis ça. Je trouve ça hallucinant. Mais je vais vous laisser aller découvrir ça par vous-même, vous faire votre propre idée de reconnecter avec la réalité de ce qu'on est en train de réaliser avec cette niaiserie d'affaires de 9 à 1 là, okay, qui est en réalité une inside job qui a permis de justifier, okay, toute la prise de contrôle, de la mise en place de l'État policier, de sabrer dans les droits, dans les libertés des citoyens en Amérique du Nord, et puis de se déplacer des armées comme ça dans d'autres pays, puis aller tuer, ravager, d'aller prendre de leurs gens, de leurs citoyens, même des enfants. Okay, on a un gars qui avait 15 ans, okay, un Canadien qui est en prison là-bas à Guantanamo, que le gouvernement est en train de se battre, le gouvernement canadien est en train de se battre pour essayer de le rapatrier. OK, c'est un mineur. Bang, il se ramasse là-bas, je veux dire, en isolement, torture, tout le kit, mon gars. On est arrivé dans ces pays-là pour nous ravager les pays. Ravager les pays. Pourquoi? Parce que supposément, Bin Laden aurait fait écraser des avions dans des tours du World Trade Center. On va ravager des pays comme ça, pratiquer la torture, tuer, enlever 27 000 personnes qui sont disparus dans des réseaux de prisons secrètes dans le monde. Une nouvelle cette semaine qu'on apprend même que des bateaux prisons secrètes. Tout ça à cause du 9-1-1. Voyons donc, tabarnane! Après ça, vous allez me faire à croire que je veux dire, c'est. Là, on a menti sur la qualité de l'air après, aux gens qui étaient venus pour porter secours ensuite au 9-1-1. On a menti à ces gens-là, on a dit, portez pas de masque. Là, l'air est sain, portez pas de masque. La raison d'aller travailler, l'important, c'est de faire fonctionner l'économie. Allez consommer, n'arrêtez pas d'aller acheter dans les centres d'achat. C'est ça qu'on vous a dit après le 9-1. Vous rappelez-vous, Jean Chrétien, du même affaire? Arrêtez pas de consommer. Hey! Hey! Voyons donc, la gang! Je veux dire, tant qu'on se réveille, le 9-1, là, je veux dire, avec toutes les affaires qui s'est passé avec ça, bien là, même les rapports du 9-1 sont sortis cette semaine. OK? Là, des centaines d'agents du FBI ont été témoins de torture. Des centaines. Des épisodes similaires ont été décrits selon le rapport de l'inspecteur général par littéralement des centaines d'agents du FBI qui ont vu des interrogateurs de la CIA, de l'armée et des sous-traitants privés. OK? Les mercenaires privés comme Blackwater, Halliburton, toute cette gang-là, DynCorp, OK? Qui font de la torture privée. À contrat privé, la gang! Des actes illégaux de torture et d'abus contre des détenus. De plus, le rapport cite plusieurs agents du FBI qui ont rapporté des cas de raclée, 30 agents qui ont rapporté avoir vu des détenus enchaînés dans des positions de stress sur des longues périodes, 70 agents qui ont rapporté des cas de détenus privés de sommeil. OK, ça, c'est on blaste la musique heavy metal dans la chambre là, pendant 36, 78 heures, 100 heures, OK, avec des stroboscopes qui flashent de la lumière hallucinante qui te fait capoter, je veux dire. Ah ouais, je veux dire, hey, écoute, c'est la guerre depuis le 9-1, la gang, je veux dire, c'est grave. Je veux dire, Bush a dit que c'était un président de la guerre, hein, je veux dire, hein, oui, c'est la guerre. On est en état de guerre, tout est justifiable. Donc, vous avez 29 agents qui avaient de l'information sur l'utilisation de températures extrêmes dans le but de briser la détermination des détenus pour résister à la coopération. Et 50 agents qui ont rapporté l'utilisation d'un isolement prolongé pour saper la résistance d'un détenu. Ah, il faut saper la résistance. OK? John Hu, qui était un officiel du gouvernement, OK? Un officiel du gouvernement Bush, qui a été, lui, chargé, comme Alberto Gonzalez, de changer la loi pour permettre la torture, OK? A déclaré qu'on pouvait torturer des enfants en face de leurs parents pour les faire parler, que ça, c'était légal si le président des États-Unis le décidait. Ben oui, parce que le président est au-dessus des lois, hein? Donc, c'est pas ça une définition d'une dictature. Il va être temps qu'on se réveille à un moment donné, hein? Ces gens-là, ils ont ordonné la torture au plus haut niveau. Ça, c'est rapporté par des rapports du FBI. OK, la gang, là, Simonac. Et puis là, ces gens-là, ils ne sont même pas traînés en cour, ne sont même pas destitués de la présidence et puis pendus sur la place publique. Je veux dire, excusez-moi, là, je veux dire, normalement, je suis pas contre la peine de mort, mais je veux dire, Simonac, je pense que ça vient de me donner une maudite bonne raison pour me convaincre qu'il y a peut-être des bonnes exceptions à faire. Hein? De plus, il y a 4 agents qui ont rapporté les cas de 2 détenus en Afghanistan battus à mort après avoir été enchaînés debout pour une longue période. Donc, ils sont enchaînés debout pour les bats à mort. Hey, c'est le fun en Simonac, ça! L'histoire de torture détaillée dans ce rapport ne sont que la pointe de l'iceberg. Évidemment, ça, c'est si ce qu'on sait. Imaginez ce qui se passe en réalité. Les détenus de Guantanamo ne représentent qu'1% des détenus dans les camps de détention américains et des prisons secrètes opérées par les militaires de la CIA en Irak, Afghanistan et d'autres points du globe. Il est estimé que près de 27 000 personnes sont détenues sans accusation, sans parler de procès, plusieurs d'entre eux ayant simplement disparu. comme ça, dans le goulag global de Washington. Certains sont détenus dans des navires de détention, comme je disais un peu plus tôt, d'autres dans des donjons secrets opérés conjointement par la CIA, et des régimes vers lesquels elles transfèrent les détenus, comme l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, ou des formes plus cruelles de torture, comme être enterré vivant, l'électrocution ou la lacération avec un scalpel sont employées. Hey, voilà des techniques qui sont le fun, hein, quand tu sais pas quoi faire le dimanche matin. Hey, on va l'enterrer vivant, le chien. Eh, Simonac, je te dis qu'après ça, on pense qu'on vit, hein, dans un monde civilisé. Hein, nous autres, on se pense avancés. Ben oui, on fait partie des civilisations, des nations dans le monde, hein, qui sont les plus meilleures. Ben oui, la gang, hein. Un petit peu d'illusion à ces gens-là, comme ça, après ça, qu'on va les rouler dans la farine pour faire les pires affaires en leur nom, ils croiront même pas eux autres mêmes. Hein? Qu'est-ce que vous pensez que les Allemands, je veux dire, ils pensaient quand les gens leur disaient que le régime nazi faisait des affaires horribles, on leur avait tellement vendu que c'était les meilleurs dans le monde, que je veux dire, les Allemands, c'était hein, la crème de la crème, et puis c'était la race suprême, et puis c'était la naissance du mouvement eugénique. Hein? Dans le monde, on sait que on voulait purifier la race, et puis éliminer les faibles, et puis les vieux, et puis les handicapés. Hein? Ben oui, c'est là que c'est né, ce mouvement-là. Ben oui, c'est né aux États-Unis, puis en Allemagne, comme ça, on pensait que, je veux dire, la race blanche, la race aryenne, hein, la race supérieure, hein, je veux dire, il fallait éliminer les autres. Ben oui, c'est de là que ça vient, la gang. Hein? Après ça, les gens, ils pensent qu'ils sont tellement bons que quand il y a des affaires qui se passent dans leur cours, qui sont complètement débiles, OK? Ben, ces gens-là n'y croiront pas parce qu'ils pensent que je dis, ça pourrait jamais leur arriver, hein? Ils penseraient jamais que leurs médias pourraient leur mentir. Ils penseraient jamais que leur gouvernement pourrait tuer 3000 personnes dans le cœur de New York. Ils penseraient jamais ça. Juste des conspirationnistes penseraient ça. Voyons donc, t'es bien méchant de penser que ça se pourrait passer chez nous. Voyons donc, grand. Il va être temps que vous réveillez, la gang, hein, si vous n'êtes pas déjà réveillés. OK? Donc, en fait, comme le révélait la ABC News le mois dernier, les représentants officiels du soi-disant comité de principe, donc le vice-président Dick Cheney, le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, le secrétaire d'État Colin Powell, le directeur de la CIA George Tenet, le procureur général John Ashcroft et la conseillère de la sécurité nationale Condoleezza Rice ont eu des discussions détaillées sur les techniques renforcées d'interrogatoire. On appelle ça de même, c'est des beaux mots ça, des techniques renforcées d'interrogatoire, qui selon ABC étaient quasiment chorégraphiées. OK, ça c'est ABC qui rapporte ça là, allant jusqu'à préciser le nombre de fois où les agents de la CIA pouvaient utiliser une tactique particulière. Bush a affirmé par la suite sur ABC qu'il, ouvre la citation, savait que notre équipe sur la sécurité nationale avait des rencontres sur cette question. Et je les ai approuvés. Fin de la citation. Ben ouais, Bush, hein, il trouve ça bien trippant. Hein, on est torturés, les chiens, hein? Le rapport établit que les représentants du FBI et du département de la justice ont avisé le Conseil national sur la sécurité de la Maison-Blanche de leur préoccupation que les pratiques observées par les agents minaient sérieusement l'autorité de la loi à Guantanamo. Ben, j'imagine, hein? À la fin, cependant, on leur a dit de reculer. Ils se sont soumis, devenant ainsi complices de ces crimes et de leur camouflage. Vous vous rappelez, Donald Rumsfeld aussi, qui avait mené déclaré dans une conférence de presse, « Écoutez, la gang, tout est sous contrôle. Hein? C'est nous autres qui s'occupent de ça. Back off! Back off! » Ah oui, les mots même de la bouche de Rumsfeld. « Back off! » Le gouvernement a ça en main. « Ne t'en fais pas, petit citoyen. On s'occupe de la situation. » All right? Puis arrête de poser des questions, mon fatigant, parce que c'est toi aussi qui vas rentrer en Guantanamo. Hein? On a juste besoin de dire que tu es un ennemi combattant. Et hop! Plus de droits de la Convention de Genève, hein? T'es plus protégé par rien, tu deviens un ennemi combattant, et puis là, tu viens de tomber dans un trou où c'est qu'il n'y a plus de loi qui existe. Hein? Ça, c'est le fun. Les révélations du rapport du FBI n'ont pas suscité de réaction importante ou demande d'agir sur la question par les démocrates élus au Congrès ou encore par les prétendants à la candidature présidentielle du Parti démocrate, le sénateur Barack Obama et la sénatrice Hillary Clinton, qui n'ont pas fait de la torture une question essentielle de leur campagne. Hein? Donc, ceux qui pensent que Barack Obama, c'est une meilleure option, là, il va être temps que vous réveillez la gang. Hein? C'est les mêmes médias qui vous vendent ça encore. On vous donne des faux choix. Hein? Bad cop, good cop. All right? Donc, Hillary Clinton, Barack Obama, là, McCain, là, je veux dire. Hein? Je veux dire, si vous pensez qu'il y en a un qui est plus une option qu'un autre, là, il va être temps que vous réveillez aussi, là. Hein? Les enfants, il va falloir que l'oncle Georges, là, hein, de Daniel Lemire, revienne vous parler un peu, là. La violation délibérée et en bloc des conventions de Genève et des traités contre la torture sont, en vertu du droit international, des crimes de guerre, exactement comme le FBI l'a reconnu. Ce qu'il faut, ce n'est pas une autre audience sans conséquence d'un comité du Congrès qui est complètement vendu, mais plutôt la constitution d'un tribunal pour crimes de guerre. Ceux qui ont commis ces crimes de guerre doivent être reconnus coupables. Bush, Cheney, Rice, Rumsfeld, Powell, Tenet, Ashcroft doivent subir un procès. Les individus tels que l'ancien conseiller de la Maison-Blanche et procureur général Alberto Gonzalez, le chef du bureau de Cheney, David Addington, et le conseiller du département de justice, John Hu, que j'ai parlé il y a un peu plus tôt, qui ont élaboré les arguments pseudo-légaux pour légitimer la torture, doivent être aussi poursuivis, ainsi que les responsables de l'armée et des services d'espionnage qui ont présidé aux pratiques criminelles à Yancourt et Guantanamo, Abu Ghraib, Bagram et les autres camps et prisons de la CIA et de l'armée. Les dirigeants du Parti démocrate n'ont ni le désir ni l'intention de lutter pour un tel règlement de compte. Le speaker de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et d'autres dirigeants du parti ont été incités à plusieurs reprises que la destitution du président et du vice-président n'était pas sur la table. Ils n'ont aucun intérêt à poursuivre l'administration sur la question de la torture parce qu'ils en sont eux-mêmes les complices. Okay? Pelosi et d'autres démocrates en vue au Congrès ont été informés en détail sur les méthodes criminelles utilisées à Guantanamo. Ils les ont approuvées. Et les ont cachés au peuple américain. Okay? Donc, les démocrates là, puis les républicains, là, c'est deux parties d'un faux choix. Okay? C'est la même clique, c'est concentré, c'est dans les mains, c'est acheté par les mêmes intérêts financiers. Ça a été pris et contrôlé, une prise de contrôle par les multinationales, le complexe militaro-industriel. Il n'y a aucun choix là-dedans. C'est deux parties, deux mafias qui font, en fond, la même affaire, la même job, ils sont là pour la même raison, ils sont là pour couvrir les crimes de l'un et de l'autre, ok? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, dans une attaque remarquable portée contre le peu de crédibilité politique qui reste à l'administration Bush, l'ancien porte-parole de la presse pour le président, Scott McLennan a publié un livre accusant la Maison-Blanche d'avoir déclenché une guerre inutile en Irak basée sur une propagande mensongère. Donc ça a fait tout un choc aussi dans les médias. Scott McLennan, qui est ancien porte-parole de la presse, pour le président, je veux dire, a écrit un livre cette semaine, mais ça, c'est un autre vendu ben raide, là. Je veux dire, quand même bien qu'il vient puis écrive un livre là, pour essayer de se nettoyer sur la place publique. Là. Je veux dire, ce gars-là, il a vendu au peuple une guerre inutile qui a tué au-dessus d'un million d'Irakiens pour rien, qui a pollué le pays avec l'uranium appauvri pour rien. Mais, je veux dire, là, il fait un come-out, un mea culpa, et puis il accuse le gouvernement Bush de lui avoir menti, d'avoir monté une campagne de propagande pour avoir vendu la guerre contre l'Irak. Je veux dire, tous ces gens-là sont responsables, devraient se ramasser en prison. Je veux dire, écoutez, là, c'est très, très grave. Si on laisse aller des criminels comme ça, ben tout est permis, je veux dire. Hein? Aller voler dans le dépanneur, je veux dire, devient permissible. Je veux dire, si on a des gens qui sont capables, sont au-dessus de la loi, ne sont pas punissables, pour utiliser les médias, utiliser des experts conseillers du Pentagone qu'on fait apparaître dans les chaînes télévisées, dans les journaux, pour vous vendre, pour vous pelleter des mensonges, carrément, là, des mensonges, des armes de destruction massive, de lien avec le 911, d'essayer de se monter une bombe nucléaire, carrément des mensonges. Ils savaient d'avance que c'était des mensonges, des faussetés, carrément des manipulations. Mais c'est pas grave, on est monté sur le podium. Et puis, vous présentez des experts comme ça, avec la face bien straight, même le gouvernement canadien, ici au Québec, dans les journaux, partout, pour vous dire, ben oui, il faut aller en guerre, il faut aller démonter ce Saddam Hussein-là, ce violent dictateur-là, qui était en fait de mèche avec la CIA, qui a été amené au pouvoir par la CIA, c'est des faits historiques. OK, faites vos recherches, Simonac, là, je veux dire, ah, oh, c'est un plein de marde, ce gars-là, ouais, on dort, il parle au travers de son chapeau. Allez faire vos recherches, Simonac, si vous savez pas que c'est ça qui est la vérité, je veux dire, il est temps que vous alliez vous informer, vous éduquer vous-même, puis vous allez voir que toute la game, là, est pas mal ridicule quand on comprend comment il se passe, là. OK, donc, là, on arrive dans ces pays-là, on tue un million de personnes, je veux dire, et puis, c'est pourquoi? Pour des mensonges. Donc, ça, si c'est légal, je veux dire, s'il n'y a plus aucun problème avec ça, si, je veux dire, la loi ne s'applique plus à ces cas-là de criminalité totale, de trahison, OK, où on envoie des soldats aller se battre, des gens mourir pour rien, des familles qui perdent leurs fils et puis leurs filles comme ça dans des fausses guerres au Moyen-Orient, ben là, je veux dire, Qu'est-ce qui nous empêche de virer dans une société totalement criminelle? Je veux dire, il n'y a plus aucun principe moral. OK? Je veux dire, c'est tout ou rien, là, la gang, là. Je veux dire, Simonac, wow! OK? Donc, l'affaire McLellan, c'est toute une histoire. Et puis, je veux dire, ça vient prouver encore que les bloggers, les gens qui sont sur Internet, le média, le mouvement pour la vérité sur le 911, sont ceux qui, depuis le début, vous rapportent la vérité. C'est ceux qui, depuis le début, vous ont rapporté tous les éléments, les évidences et puis la pure vérité. La pure vérité. Écoutez, la gang, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des pommes pourrites là-dedans. On fait le ménage, mais je veux dire, il y a un moteur d'auto-nettoyage sur Internet. Et puis, je veux dire, la propagande, la manipulation, la désinformation ne colle pas très longtemps. C'est démonté presque instantanément. C'est pas bien, bien compliqué. OK? Et puis, les médias sont en train de perdre toute crédibilité aux mains des blogueurs. Ça les énerve énormément. Puis, on essaie de faire tout pour les discréditer. Et puis, en réalité, c'est qui vous a rapporté la vérité depuis le début? Ben, c'est nous. Qui va perdre la face? Les médias traditionnels. Ça, c'est clair. OK? Et puis, c'est ça qui est en train de se passer. L'affaire McLellan, c'est un autre exemple. C'est un gros exemple. C'est un événement majeur. Mais je veux dire, là, on essaye de spinner ça dans les médias pour en essayant de dire que oh, McLellan n'était pas fidèle à Bush et puis oh, c'était pas un bon gars d'équipe. Hein? Puis finalement, c'est pas ça qui est le débat. On essaye de spinner ça. Mais le vrai débat, c'est à savoir que Bush et puis l'administration Bush et puis tous ces gens-là que j'ai nommés plus tôt sont responsables de nous avoir menti pour partir des guerres d'agression criminelle qui ont été condamnées par les procès de Nuremberg suite à la Deuxième Guerre mondiale qui a été partie par le régime nazi d'Allemagne. Okay? C'est la même affaire et puis c'est la même affaire qui va se passer avec ces criminels-là d'administration Bush et puis de ceux qui ont participé. On est des gens au gouvernement canadien qui sont aussi criminels, qui ont participé à ça. On a envoyé notre armée en Afghanistan, qui est la même guerre, okay? C'est la même histoire. Et puis, on a des médias qui nous ont menti à propos du 911. Et puis, ces gens-là, on va les mettre en prison. On les retrouver dans les cours. On va faire leur procès juste. On ne va pas les envoyer, nous autres, à Guantanamo, à des prisons secrètes. Non, non, non. On va suivre la vraie loi, la loi du pays, la loi des conventions de Genève, la loi internationale, et puis on va vous juger, ma gang. Vous allez vous ramasser en prison, et puis c'est fini pour vous autres. On a déjà gagné le débat contre le 911, et puis vous savez que vous avez peur. Et puis des conférences qui vont se produire comme à Montréal avec David Ray Griffin et puis Michel Chosefsky, c'est un autre signe que vous avez perdu la gang. Il n'y a aucune argumentation qui ne tient debout pour dire que les tours du 911 sont écrasés à cause de deux avions et puis le World Trade Center 7 à côté d'un bâtiment qui était doublement renforcé pour les attaques terroristes s'écroule à la vitesse de la chute libre. Il n'y a aucun argument, okay? Surtout pas à cause des feux. S'il y avait un bâtiment qui s'est écroulé à cause de des feux à la vitesse de la chute libre, je veux dire, il n'y a personne qui travaillerait dans aucun édifice de structure d'acier dans le monde parce qu'on aurait peur qu'un moindre feu pourrait faire écrouler la structure au complet. Comprenez-vous, là? Je veux dire, il est temps qu'on commence à penser straight un peu, la gang. OK? On va commencer de tourner en rond là, des affaires de fausses réflexions et puis de réactions émotionnelles, de oh, tu dois être un conspirationniste et puis tout, là. Écoutez, la gang, là, je veux dire, on a des centaines d'architectes et puis d'ingénieurs, des ingénieurs structurels, des ingénieurs civils. On a des gens de l'administration Bush, on a des gens de l'armée, on a des scientifiques, je veux dire, on a des papiers publiés dans des organisations, dans des revues et puis des publications qui sont revisées par les pairs, OK? Je veux dire, on peut pas être plus à côté que ça, je veux dire, c'est fini. Le 9-1, ce n'est qu'une question de temps pour que ça devienne une révélation. Okay? Tout est en train de s'écrouler. La guerre contre l'Irak est en train de s'écrouler. Je veux dire, c'est fantastique dans le fond de voir ça. Je veux dire, moi, tu sais, je suis craqué comme un malade, mais c'est une époque absolument ahurissante, vraiment enlevante et puis très motivante. Okay? Je veux dire, c'est fantastique qu'on est en train de vivre. On va faire le mélange de la crapule, de la crasse, je veux dire, qui est à la tête de nos gouvernements. Puis il va être temps aussi, je veux dire, qu'on fasse une réforme de tous nos systèmes économiques, je veux dire, qui sont bâtis en fonction de profiter de la guerre, qui sont faites en fonction de profiter de la misère humaine, OK? qui permettent la concentration des médias dans les mains de quelques personnes seulement, de quelques organisations, qui permettent la concentration de ressources stratégiques comme le pétrole, comme l'eau, comme des ressources comme le métal et puis d'autres ressources naturelles dans le monde, dans quelques mains seulement. Même affaire pour le système bancaire qui est concentré dans les mains de quelques banquiers internationaux. Même affaire pour les semences. Ça, on a souvent parlé à l'autre monde. On a quelques producteurs de grains et puis de modifieurs génétiques comme Monsanto qui contrôlent 50% de tout le système de la chaîne alimentaire mondiale. C'est complètement débile, la gang, je veux dire. Et puis ça, on est responsable de ça. Qui a laissé se produire ces affaires-là? Ben, c'est nous autres, la gang. Puis je veux dire, là, l'Internet est là. L'information circule. Allez vous informer. Je veux dire, il n'y a aucune raison, là. Arrêtez d'aller voir les sites, là, de fashion, là, de mode, et puis de sites de cul, puis tout. Je veux dire, écoute, là, l'heure est critique. Et puis ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Et puis c'est à nous autres, là, de pousser pour que ça balance en notre faveur. Je veux dire, il n'y a aucune raison pour qu'on continue de se faire péter des bombes dans la face comme des réseaux Gladio qui a été découvert et puis mis à nu comme des attaques terroristes de 1993 qui est un cas judiciaire fédéral aux États-Unis, le FBI qui a été s'est fait prendre la main certains agents du FBI qui s'est fait prendre la main à donner une bombe à un malade mental pour aller bombarder la place je veux dire le World Trade Center en 93. Waco, la même affaire. Là, les attentats de Oklahoma en 93, la même affaire. Les attentats de Londres en 2005, je veux dire, qui pointent toutes vers les services secrets anglais, OK? Le MI5, MI6. Et puis le 911, qui est encore une affaire qui est organisée. Je veux dire, ça, c'était admis par qui? Par Francesco Cossiga, qui est l'ancien premier ministre de l'Italie, puis qui est celui qui a mis aussi à nu, à découvert, les opérations Gladio, qui était en fait une opération des services secrets, hein, des Stay Behind après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, des services secrets pour faire exploser des bombes dans les autobus écoliers puis dans les stations de train pour scandaliser la population. Puis le blanc met ça sur le régime communiste, hein, sur le parti communiste, parce qu'il avait peur qu'il était pour remporter les élections. Donc, c'est assez hallucinant. Ici au Québec, le FLQ, qui a été infiltré par les agents de la CIA et puis de la police montée du Canada, la GRC. Et puis, on a fait péter des bombes comme ça dans des boîtes à lettres. Et puis, on a même pogné des agents de la GRC là-dedans. Ça, c'est documenté aussi. Donc, je veux dire, ça brasse en ce moment, là. Je veux dire, c'est toute une émission, là. Je veux dire, j'espère que vous êtes à l'écoute, là. Il y a bien des informations, vous pouvez les réécouter, mais vous allez tout aussi retrouver les documentations, les liens par rapport à ce que j'avance ici. Ce show ici, cette émission à l'autre monde est documentée, OK? Là, vous avez un extrait de Rumsfeld qui a fait surface, OK, à la suite des demandes, là, à Freedom Information Act, aux États-Unis, OK, on a des enregistrements de Donald Rumsfeld qui ont été enregistrés lors d'une rencontre un peu plus tôt, il y a quelques années. Ça, c'est tout un autre dossier aussi. Et puis, ce monsieur Rumsfeld-là est en train de discuter avec d'autres personnes. Alors, ce meeting-là avait lieu avec le lieutenant-général Michael DeLong et puis Donald Rumsfeld, entre autres. Et puis, vous allez voir que, finalement, Rumsfeld est d'accord avec M. DeLong et puis le général DeLong sur le fait que les effets psychologiques de l'impact du 911 est en train de s'atténuer. Et puis que le comportement des citoyens, hein, le pattern du comportement des citoyens, autant aux États-Unis qu'en Europe, suggérait que les gens devenaient de plus en plus non concernés par la menace de la terreur. Dire que politiquement, il y avait pas mal de problèmes à avoir l'écoute des gens parce qu'il n'y avait pas assez d'attaques terroristes qui arrivaient. Et puis là, Rumsfeld, il disait que c'est ça que que je voulais dire. Il disait que le président est en fait une victime du succès, puis qu'il n'y avait pas eu d'attaque en 5 ans. Puis que la perception des attaques était plutôt basse dans la société et puis que ce n'était pas vraiment surprenant que le comportement des gens reflétait un peu ça, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de menaces et puis que les gens ne réagissaient plus beaucoup par rapport à ça. Donc, c'était la même affaire en Europe. Donc, une correction pour ça, qui supposait, serait une attaque. OK? Puis ça, c'est le mot-clé. Puis en anglais, il dit « the correction for that, I suppose, is an attack ». Et puis là, il disait, and when that happens, then everyone gets energized for another And now, là, on a, y a un mot qu'on comprend pas. And it's a shame we don't have the maturity to recognize the seriousness of the threats, the lethality, the carnage that can be imposed in our society is so real and so present and so serious that you'd think that we'd be able to understand it. But as a society, the longer you get away from 9/11, the less. Hey! Donc là, on a des gens, OK, vous avez des gens qui sont là en train de discuter en privé sur le fait qu'on aurait besoin d'une autre attaque pour stimuler encore plus la population, hein, pour fouetter la population, pour avoir plus de motivation à poursuivre les guerres, pour être plus manipulables, OK, pour pouvoir couper dans leur liberté, imposer des lois comme le Patriot Act, pour créer d'autres lois qui vont criminaliser la dissidence politique et puis la dissidence contre la guerre en Irak. Et puis ça fait écho au document du PNAC, The Project for a New American Century, qui était publié par la même clique des néocons, qui était finalement un genre de rapport qui décrivait les moyens pour mettre en place, là, pour consolider l'hégémonie américaine. Et puis un de ces plans-là était évidemment de contrôler le Moyen-Orient, les ressources là-bas, et puis d'établir des bases militaires permanentes dans la région. Et puis un moyen pour pouvoir mettre en marche, si vous voulez, ce genre d'agenda-là d'hégémonie américaine pour le prochain centenaire, eh bien, c'était d'avoir un nouvel incident comme le Pearl Harbor. Puis ça, c'est écrit tel quel dans le PNAC. Et puis c'est d'ailleurs aussi la motivation, c'était le motif qu'on amènerait en cour pour juger ces gens-là, pour les accuser de conspiration criminelle contre le peuple américain, c'est-à-dire qu'on a leurs motivations qui sont écrites, et puis là, même en audio, OK, on l'a ici aussi carrément en document audio de la bouche même de Rumsfeld, que ces gens-là sont là à parler de, ben oui, il faudrait qu'une correction comme ça pour fouetter les gens, ce serait une attaque. Je veux dire, c'est ça la mentalité de ces gens-là, c'est ça qui est la motivation de ces gens-là, c'est-à-dire que eux ont des désirs, hein, ils ont des plans, et puis dans leur établissement, leur calcul de satisfaction pour arriver à ce désir-là, l'élément de culpabilité de l'esprit ne rentre pas. Je veux dire, ce n'est qu'intellectuel. Je veux dire, c'est une question de logique. Est-ce que je peux? Oui, je le peux, donc je le fais. Il n'y a aucun élément de culpabilité qui rentre là-dedans, aucun aspect moral. Je veux dire que de tuer 3 millions de personnes ou ben non, de mettre le feu à 3 millions de boîtes de carton, c'est la même affaire pour eux autres. Donc, de tuer 3 000 personnes dans le cœur de New York, pour eux autres, il n'y a aucun empêchement moral de faire ça. Ce n'est absolument rien. OK? Ces gens-là n'ont aucune culpabilité à créer une fausse attaque terroriste pour épeurer les gens, pour les plier à leur agenda. C'est fou, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Puis je veux dire, nous autres, on a de la misère des fois à croire ça parce que on n'est peut-être pas si mauvais que ça. Je vais vous dire, il y a pas mal plus de personnes qui ont du cœur, des gens qui ont vraiment un esprit sain, du bon monde. Il y en a pas mal plus qu'on pense, mais le problème, c'est qu'on a une gang de pommes pourrites, okay, qui ont réussi à se placer à la tête au pouvoir, je veux dire, d'organisation, de gouvernement, de place stratégique, et puis qui ont bien trop d'influence. Je veux dire, des gens comme Rumsfeld qui sont en train de discuter, hein, c'est des psychopathes, qui sont en train de discuter qu'il faudrait qu'une attaque se passe pour pouvoir fouetter la ferveur des Américains. Je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Et puis là, ça, c'est pas juste des suppositions, c'est que là, on parle de des révélations, de des affaires qui sont publiées, des affaires qui sont sorties sur la place publique. Et puis, je suis ici pour vous les rapporter sur l'autre monde. Donc, dans cette démarche-là, ben, à cette lumière-là, vous allez comprendre que d'autres événements qui se passent aux États-Unis, comme de créer des bases de données de DNA, OK, d'ADN, hein, des projets de vote S-1858 aux États-Unis qui vont être signés par le président Bush, sont en train de créer des nouvelles bases de données où c'est qu'on va emmagasiner votre identité génétique. OK? Donc, aux États-Unis, on commence à faire des tests génétiques sur le bord de la route quand on vous arrête par la police. On fait des prises de sang carrément sur la route. Donc, au lieu de vous faire souffler dans la ballonne, hein, ben là, on commence à vous prendre des fioles de sang, comme ça, de votre sang sur le bord de l'autoroute, et puis on va faire des bases de données d'ADN. Et puis, vous avez aussi le gouvernement américain, puis le Homeland Security là-bas, qui sont en train de prendre aussi des mesures pour rassembler toutes vos empreintes digitales, peu importe où vous circuliez, soit que vous preniez l'avion, ou ben non, même vous passez d'un état à l'autre pour votre permis de conduire. Et puis, on déclare que ça, ces données-là, comme vos empreintes digitales, ne sont pas des données privées, que ça appartient au gouvernement. On vous dit que ces données-là ne sont pas personnelles. Ben non, ça leur appartient. En contravention de la Constitution américaine là-bas, le 4e amendement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comme je vous disais, le gouvernement est au-dessus de la loi. Hein? Pour vous rappeler c'est quoi votre place dans cette société-là, ben on continue d'utiliser le taser. Hein? On a un vieux de 82 ans au Canada. On lui a donné la médecine du taser cette semaine à un vieux à l'hôpital qui avait un couteau. Hey, le gars, il est à l'hôpital couché dans son lit, mais il a un couteau dans ses mains parce qu'il est dans un genre d'état de fébrilité. Là, le gars est en train de capoter, il y a un couteau dans les mains. Et puis là, vous avez des policiers qui arrivent, hey, des gros policiers tough, tabarnak, qui sont entraînés pour mettre à terre des dangereux criminels. Mais là, ils sont épeurés par le vieux de 82 ans, la gang. Et puis, ils ont déchargé deux shots de taser dans le vieux de 82 ans. Hein? Hey, la police du Québec, te dit, tabarnak, la police au Canada. Hey, elle a peur des vieux de 82 ans, il faut utiliser le taser. Ben oui, on commence même à taser des gens qui ne payent pas leur ticket de métro. Hein? Ben oui, on commence à faire ça. Ben oui, pas de problème. Mais par contre, on a pogné Tony Blair à voyager sur le métro là-bas sans billet. Hey, mais lui, on l'a pas taisé, par contre, hein? Ben, il te dit. Écoutez, le temps fait, là, on finit avec les dernières nouvelles à consulter absolument sur les nouvelles internationales. On a un article de F. William Engdahl qui a été publié sur mondialisation.ca sur les précisions sur l'origine du prix élevé du pétrole. Vous allez voir que ça, c'est assez ahurissant aussi de voir comment que le pétrole est manipulé juste à cause de la spéculation boursière et comment que ça se fait que, je veux dire, qu'eux autres, ils profitent tant que ça et puis que nous, on se déplume de notre argent. Alors, allez voir ça, c'est un article assez important et puis très bien documenté. Là, vous allez comprendre que la crise du pétrole actuelle est créée de toutes pièces. Allez voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le prix des maisons qui tombe aux États-Unis plus rapidement que durant la Grande Dépression de 1932. Le prix des maisons a baissé de 14,1% l'année dernière. Donc, ça, c'est un rapport publié la semaine passée par le SP & Case Shiller, okay, qui est un National House Price Index. Ensuite, il y a Jimmy Carter qui a déclaré cette semaine, grosse nouvelle, hallucinante aussi, la première déclaration, bang, direct public, admission publique sur la scène médiatique. L'ancien président Jimmy Carter qui a déclaré qu'Israël possédait 150 bombes nucléaires, okay, aux côtés des États-Unis avec 10 000 et puis d'autres pays. Mais là, ça a choqué l'establishment énormément parce qu'évidemment, ça c'est censé rester une politique de l'ambiguïté. Hein? Mais là, on a carrément une admission encore à côté de celle de Robert Gates un peu plus tôt en 2007. Alors, ne vous en faites pas. Maintenant, vous êtes confirmé si vous pensiez que l'Israël possédait 150 têtes nucléaires. Je veux dire, c'est un fait, la gang. Là. Je veux dire, Israël est le seul pays au Moyen-Orient qui possède des têtes nucléaires et puis qui les possède, des armes de destruction massive, sans les déclarer de façon carrément clandestine et sans être signataire du protocole de non-prolifération nucléaire. Ensuite, nous avons un traité qui a été signé par 111 nations pour bannir les bombes à fragmentation. Mais évidemment que vous avez des pays comme la Russie, la Chine, Israël, l'Inde, le Pakistan et les États-Unis qui ont refusé de signer. Donc, hein, les pays qui sont vraiment très, très amicaux. Hein? Ben oui, les bombes à fragmentation, c'est sympathique quand les enfants marchent là-dessus quand la guerre est finie des années après. Mais c'est pas grave, ça sert à nos intérêts. Okay? Ensuite, on termine avec des nouvelles sur le réchauffement climatique qui n'a pas lieu. Nous avons une pétition de 32 000 personnes, des scientifiques, des météorologues, des géologues, et j'en passe et j'en passe, qui ont été publiées par le Financial Post, qui s'oppose à l'outrage, finalement, au protocole de Kyoto, et puis à toute la propagande qui est créée autour du réchauffement climatique, et puis du besoin de payer une taxe sur le CO2, en disant que le CO2 n'est pas une cause du réchauffement climatique, et puis qui s'oppose à toute cette entreprise de terrorisation de la population, puis de la mise de la culpabilisation des enfants. Donc, 32 000 personnes, ça c'est plus que toutes les gens qui se sont réunis dans le fameux sommet de la Terre organisé par l'ONU là en 92, qui a été supposément l'événement mondial là, total, là, je veux dire. Donc, vous avez plus de gens maintenant qui se réunissent pour s'opposer à ça. Donc là, je veux dire, les gens, il va être temps à un moment donné aussi que vous commenciez à comprendre qu'il n'y a vraiment pas de consensus à propos de ça. En fait, il y a plus un consensus de l'autre côté. Alright, alors pour terminer, juste pour vous montrer comment ces gens-là, ce culte du réchauffement climatique-là à la Al Gore, sont pleins de vous avez un curé qui a comparé les sceptiques du réchauffement climatique là, causé par l'homme au pédophile autrichien Joseph Fritzl, hein, le gars qui a enfermé là, sa famille pendant 24 ans dans sa cave, là. Ce genre de pédophile malade mental-là, ben là, apparemment que les gens qui sont sceptiques, les 32 000 scientifiques, là, ben apparemment que sont des gens comme ce gars-là. Hein? C'est juste pour vous donner une idée du genre d'arguments que ces gens-là sont acculés, hein, à utiliser, parce que là, ils sont sans argument, parce que la science et puis la majorité des scientifiques et puis des éminences sur cette Terre se rendre compte que toute la thèse du réchauffement climatique est fausse. En fait, qu'il y a des changements climatiques qui sont naturels en grande partie, et puis que c'est des cycles naturels qui sont causés par différents facteurs, mais surtout par le soleil. Et puis qu'en ce moment, il n'y a pas eu de réchauffement climatique depuis 98, en fait, qu'on est vers une pente d'un léger refroidissement. Alors, on va se quitter là-dessus. Le temps nous fait défaut encore une fois. Allez lire le reste des nouvelles. Vous avez des nouvelles assez hallucinantes encore sur l'Al-Qaïda, Bin Laden, qu'on essaye de vous épouvanter partout dans la face. Hein? C'est la grande période de la terrorisation encore, un peu comme dans les temps du pré-911. On sait que l'Al-Qaïda n'avait rien fait de mal de particulier, Bin Laden non plus, mais on vous le montrait un peu partout pour que quand le 9-1 est arrivé, ben bang, on avait quelqu'un pour blâmer que vous connaissiez déjà. Et bien, en ce moment, aux États-Unis, dans les médias, sur Internet, et bien, il se passe un autre phénomène. Le spectre d'Al-Qaïda et puis de Bin Laden, l'homme mort depuis 2001, fait surface encore et puis de façon assez continuelle. Donc, c'est assez spécial et puis ça pose des questions à savoir est-ce qu'ils sont en train de nous préparer une autre fausse attaque terroriste? Gardez l'œil ouvert, chers amis, parce que ça pourrait peut-être arriver et puis vous saurez peut-être que ce ne sera pas Bin Laden cette fois-là, mais vous allez regarder la bonne place. OK? Il est temps de démasquer les vrais criminels et les vrais terroristes. All right? Alors voilà, on se quitte là-dessus, chers amis, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye Live in session. Waste a moment, oh no, midnight.